Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 20. C'est un numéro presque anniversaire, là. 20 numéros de Podcast Science. Magnifique. Et toujours avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Tu vas bien? Très bien, salut Antoine par la même occasion. Ouais, salut Antoine. Salut. Bon, on est tous là, tout le monde va bien, Ouais, magnifique. voilà. L'équipe au grand complet. Yep, avec des bonnes nouvelles du côté d'Antoine. C'est pas faux et ressuscité, on le croyait presque Hey. mort, là, depuis le temps. Tu nous as Oui, fait. c'était plus une renaissance, on va dire. Ouais. Donc, ouais, ben, c'est pas faux.tv, c'est mon autre podcast pour ceux qui savent pas. Et ça traite aussi de science, mais plus du côté vidéo, tout ça. Et je reviens avec une nouvelle formule, plus compartimentée, on va dire, plus expérimentale. Et avec ce numéro 8, qui s'intitule mystérieusement Alchimie du Coca, où je vous apprends à faire des bombes avec du coca, des bombes inoffensives bien sûr, hein. Avec du coca, je parle de supernova, de Google, de trucs comme ça. Et voilà, ça vient de sortir et c'est pas faux, passe en mode mensuel maintenant. Et en Donc tous les mois. HD. Et en HD, voilà. J'ai une petite question, d'ailleurs que j'ai mis en commentaire sur la dernière mission que tu as fait, donc c'est pas faux. Pourquoi des lunettes de soleil quand tu présentes des formules chimiques avec ta blouse blanche? Ah, c'était un petit délire avec Alan, c'était juste pour faire le savant fou un peu, c'est pour ça, Ouais, c'est tout. ça me donnait plutôt, j'avais Ouais, plutôt l'impression d'une touche un peu rock'n'roll, quoi, là. ouais. Ouais, y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Pour ceux qui regardent Doctor Who, une série formidable, ceux qui se connaissent pas, ben, je vous invite à la découvrir, ben, il est un peu comme ça aussi, avec des lunettes Ouais, en tout cas, de ça la soleil comme fait ça, bien, ça la fait bien. ouais. J'ai bien aimé, Ouais, ton commentaire m'a bien fait rire. Ouais, c'est vrai. Il faut que. On m'a suggéré de me trouver des lunettes de soudure. quoi. Vous savez, ces grosses lunettes là, Ah comme le ouais. Dr Brown dans Retour vers le futur, tout ça. Et il va falloir que je vois où je peux en trouver. Ah, mais voilà à qui tu me faisais penser. J'ai enfin mis le Ouais, doigt dessus. Emmett Brown. mais c'est plutôt un compliment alors. Hein, parce Ouais. que voilà. C'est cool. Bon. Excellent en tout cas. Donc l'adresse c'est pas faux, tout en un mot, sans l'apostrophe, CESTPASFAUX.TV. Bien sûr, on met le lien sur le site. Il faut vous y précipiter. Alors, sinon, pour notre 20e numéro, bah, quelques petites stats. C'est une tradition, tu l'avais fait Mathieu pour le 10e. Donc rapidement, hein, on a eu 11 000 downloads. De numéros. Ça en fait 579, 579 en moyenne par épisode. Le record absolu, c'est l'épisode avec Paolo Ricci qui nous parlait de la physique des plasmas, 1141 downloads, suivi de pas très loin par le paradoxe du poulpe en peluche. Je me rappelle plus exactement de quoi on avait parlé. Là, c'était le paradoxe de Zénon, je crois. Ouais, Le le poulpe et puis la mimétisme du poulpe. peluchologie. Ouais, Exactement. peluchologie, ouais. Ouais, 1090, donc 1090 épisodes. On a 109 fans sur Facebook, plus un troll, je donnerai pas de nom, avec des stats précises, 25% de femmes, 75% d'hommes, Et sans juste une compter le petite troll. chose, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on stagne Ouais, c'est sur vrai. ce numéro de fan Facebook, là, 109 plus 1. Il Ouais. va falloir un peu augmenter tout ça, non? Ouais, Enfin, sans trouver, je doute. sais pas comment, mais bon. Ouais, je sais pas non plus, en fait. Il faut qu'on soit plus sociable dans Facebook, dans les réseaux sociaux en général. Il faut qu'on fasse des efforts, on y arrivera. Il me semble qu'on en avait un de plus la semaine dernière et puis qu'il est parti. Je sais pas, on a dû le vexer, dire une connerie, un truc qui lui a pas plu. Enfin voilà, on a 112 followers sur Twitter, donc Ah, ça, on ça s'est c'est bien cool. amélioré alors, par contre, par rapport à la dernière fois où on avait parlé de statistiques. Je me rappelle que j'étais un petit Tu te rappelles peu. combien on avait? Ouais, on avait, je crois, une quarantaine, je sais plus exactement, mais j'étais un petit peu déçu. Et Ouais, je crois que là. c'était 42, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, c'était Ouais. juré d'être plus actif sur Twitter, et puis on l'a été quand même, on Ouais. poste de temps en temps des trucs. Ouais, et ça porte ses fruits, hein. Ouais, bah oui, voilà. Mais Donc soyons actifs partout. ouais. Et puis sinon, j'ai jeté un petit coup d'œil aux stats du site. Et ce que j'ai relevé, que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'on a 52 pays de provenance, dont le Pérou, le Mali, le Kazakhstan. Et puis, bon, évidemment, la page la plus visitée, c'est la retranscription de l'interview de Paolo Ricci. Et elle est immédiatement suivie des illustrations de Lucille. Ça fait Oh, super plaisir. merveilleux, dis donc. Ouais, c'est top, hein. Ah voilà, puis j'ai une petite devinette un peu bizarre. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut bien être le point commun entre les taxes sur les bactéries, le cerveau mystique, la mémoire nucléaire des ordinateurs du futur, la relativité pour les nuls, vivre 130 ans, l'œuf et la poule ou les clones de mammouth? Est dur, hein? Ah ben là, Ce sont ben c'est... tous des Ouais, sujets que hein. pourrait traiter Podcast Science. Exactement, et que n'a pas traité Podcast Science, mais qu'Olivier Tripet a posté pour nous sur notre page Facebook. Donc merci Olivier, c'est vraiment sympa quoi. On a la star du community management qui s'occupe de nous sans qu'on le lui demande. Continue comme ça, on a besoin de monde sur Facebook, c'est bien. Voilà, puis sinon pour les petits On remerciements. va quand même attaquer une de ces prochaines des émissions un de ces sujets, non? Il va falloir un peu regarder. Ouais, c'est une Mais... bonne idée, parce qu'ils sont tous super Ouais. tous super intéressants, ouais. Bah, vivre 130 ans, on l'a un petit peu traité Ouais, dans le effectivement. dossier du vieillissement que j'avais Ouais, c'est fait. vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc ça en fait déjà un de moins. Donc, Le cerveau mystique, c'était en réponse en fait au sujet qu'on a fait sur la plasticité neuronale. Donc il a posté c'est un reportage de la télé canadienne qui était vachement intéressant en fait, qui essayait de mettre en lumière ce qui se passe dans le cerveau lors des expériences mystiques. Bon, il est vachement long en fait. Je l'ai regardé par bribes et puis je suis encore pas arrivé jusqu'au bout. Mais ouais, très très très intéressant. Les clones de mammouth, Ça, c'est un c'est sujet juste d'actualité, je crois, parce que c'est un ouais, sujet c'est énorme. japonais. C'est les japonais qui veulent cloner les mammouths. En ce moment, j'ai vu ça passer Ouais, j'ai vu aussi quelque dans chose ces là-dessus quatre. passer récemment, ouais. Ouais. C'est eux là, qui essayent de faire revivre. Mais je pensais pas que le mammouth avait disparu depuis aussi peu de temps. Ouais, c'est Enfin, assez récent, je crois, effectivement. 3 500 ans, quelque chose comme ça. Ah, c'est tout? Ouais, Ouais, je pensais un peu il plus, ouais. faut vérifier les chiffres, mais j'ai vu passer ça, quoi. Donc je trouvais ça quand même très très très très récent quand même. Ouais. Ah, donc Mais à c'est vrai que vérifier. c'est un bon sujet, ça. Il faudrait qu'on le fasse, quand même, les clones de mammouth. Ouais, clone de Il mammouth, j'aime bien y a aussi. tellement d'implications. On va prendre une espèce disparue puis faire revivre un individu. Bah, Je me pose pour la question de Néandertal, maintenant qu'on a réussi à séquencer son génome nucléaire. Ouais, si on faisait revivre un homme de Néandertal qui serait isolé comme ça, le seul de son espèce parmi nous. Enfin, il y a tellement de questions éthiques qui se posent derrière ce type de problématique. Ouais, Ouais, intéressant. mais Plaisir. c'est un peu le film Jurassic Park, où ils Ouais, essayent un petit peu. de recloner des dinosaures à partir d'ADN de grenouilles. Ouais. Ouais, ce serait sympa de faire Un bon ce sujet, on film. en prend note. Et Ouais, oui, je viens juste de googler la disparition du mammouth. Alors, j'ai dit totalement des bêtises. C'est il y a 200 à 300 000 ans. ah bon? Ah, je pensais que Apparu. c'était moins que ça, là. Donc, Mais ouais, il est c'est apparu il y a 200 à 300 000 ans. 200 à 300 000 ans et Et puis disparu. Moi, j'aurais dit c'était à la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. environ 40 000 ans avant. Ouais. 40 000 avant 40. maintenant. Ah ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, rien dit. Donc, ouais. Voilà. Ok, bon alors sinon pour finir ma petite série introductive de remerciements, alors je ne vais pas remercier tout le monde parce qu'il y aurait juste trop de monde à citer. On a quand même une audience absolument formidable, une communauté très sympa. Mais juste un petit coucou et merci à Forza Pedro pour son dessin, pour nous remercier d'avoir posé la question, une question à Paolo lors de notre interview. Ouais, il nous a fait un dessin qu'il a posté sur Facebook, qu'on a reposté sur le site, qui est vraiment juste excellent. Merci à Luc Germain pour son dernier retweet, à la Minute Science pour la promo de notre dossier sur le carbone 14. Et puis, ouais, il y aurait plein de remerciements à faire. On fait un remerciement global, collectif. Merci tout le monde. Vous êtes vraiment cool de nous encourager tout le temps. Ça donne envie de continuer. Ouais, ça motive quoi pour la Ah, suite. bah ouais. Ouais, c'est sûr. On fera ça au numéro 200. Ok, alors sinon, moi j'ai rien préparé, j'étais un vrai flemmard cette semaine. Je ne suis même pas allé creuser la loi de Benford, comme je l'avais dit, pour. Ah mais j'ai ah oui, ça j'ai reçu d'ailleurs de la part. Alors j'ai plus le nom sous les yeux, je peux peut-être le retrouver rapidement. Mais j'avais reçu un document en oui, un fait peu ouais. très détaillé qui expliquait la loi de Ouais. Benford En PDF, en hein, PDF. D'ailleurs, ça a été publié en commentaire sur le post qui traite de la loi de Benford. Donc, vous pouvez télécharger ces documents. C'est expliqué très détaillé en plus avec des maths et tout. Donc, ça a l'air très sérieux. Donc, voilà. J'aime bien, avec des maths et tout, donc ça a l'air très sérieux. Ah, ça, c'est les parties que j'ai zappées, j'ai lu, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que les équations, faut s'accrocher, quoi. Voilà, c'était Nicolas Gauvry qui nous a envoyé tout ça. Ah d'accord. Alors merci à lui, ouais, parce que je l'ai lu en diagonale et c'est vrai que ça a l'air très complet. Donc un tout bon dossier C'est un pour compléter le nôtre. ouais, bon Ouais. complément, ouais. Moi, je suis quand même allé jeter un petit coup d'œil sur ces histoires de fleuves parce que ça m'intriguait trop. Puis je suis tombé sur une recherche qui s'était posée précisément cette question et puis qui a validé qu'effectivement ça marche pour les fleuves, mais ça marche pas pour les plans d'eau. Donc la superficie des lacs ne suit pas de loi de Benford, mais effectivement les cours d'eau, si bon, j'ai pas épluché complètement le truc en détail, je sais pas s'ils ont tout couvert du Nil au Gange en passant par la Vachère, mais voilà. Si c'est scientifiquement prouvé, je me Non, mais taise. c'est des phénomènes naturels comme ça qui suivent la loi, mais on peut rien y Ouais. faire. Ouais, ils sont sages, les phénomènes naturels, bien obéissants, respectueux des lois. Ok, donc vous avez préparé des choses. Antoine, d'abord, un petit dossier sur le bâillement, c'est ça? Moi, je voulais peut-être, Ouais. avant ça, je voulais peut-être dire deux mots sur... Tu te rappelles qu'on a, vous vous rappelez qu'on avait parlé, je crois que c'était au podcast Science 13, des superstitions. Et il y avait toute une discussion qui avait découlé au sujet des superstitions modernes. Et parce qu'on se posait la question s'il existait des superstitions modernes. On a vu deux, trois feedbacks des poditeurs et certains avaient parlé de légendes urbaines. On nous avait fait deux, trois propositions. Et là, je suis tombé complètement par hasard sur un article cette semaine, alors d'une vraie légende moderne, superstition moderne, qui est la suivante. Introduire du sucre dans un réservoir d'essence, bah, tout le monde croit que ça va abîmer la voiture et qu'on va plus pouvoir l'utiliser. Eh bien non, ça ne détruit pas la voiture. Allez. Eh non. Alors deux, trois petites explications. Alors bon, on croit tous qu'il suffit en fait de verser un demi-kilo de sucre dans le réservoir d'essence d'une voiture pour gripper son moteur et créer un dommage irrémédiable. Je dirais même créer du caramel dans le carburateur, Alors non? justement, j'y viens. En fait, la légende dit que le sucre se dissout dans l'essence et atteindrait donc les cylindres et pistons du moteur. Et au début, la chaleur maintiendrait le sucre fluide, mais lors du refroidissement du moteur, le sucre se caraméliserait, comme tu l'as dit, et se durcisserait. Ce qui, bah, d'une part, affecterait les pièces mobiles du moteur et ça empêcherait la voiture de démarrer et de se déplacer. Et du coup, il faudrait changer complètement le moteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier lieu, c'est pas si facile d'introduire du sucre dans un réservoir d'une automobile, car la fermeture du réservoir dispose d'un mécanisme de sécurité. Mais bon, mis à part ça, imaginons qu'on puisse verser du sucre dans un réservoir. Le sucre, d'abord, il ne se dissout en réalité à peine dans l'essence. Par exemple, pour un réservoir de 56 litres, on a seulement l'équivalent d'une petite cuillère de sucre qui se dissoudrait. Après, en fait, il y a quand même un problème qui vient avec le sucre, mais c'est un problème qui peut venir avec n'importe quelle matière granuleuse, comme le sable aussi. C'est que des particules solides arrivent aux parties sensibles et lubrifiées des pièces mobiles du moteur. Donc en fait, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que de la matière granuleuse atteint ces parties mobiles, mais il n'y a pas un phénomène de caramélisation. Donc pour éviter ce problème, on a évidemment inventé les filtres qui retiennent les particules solides lorsque le combustible sort du réservoir. Alors évidemment, si on a du sucre à répétition fréquemment, le filtre pourrait se boucher à la longue. Mais changer le filtre, c'est quelque chose de commun et bon marché. Et ce qui pourrait aussi arriver, si vraiment on introduit de très très grandes quantités de sucre, plusieurs kilos dans le réservoir, le pire qui pourrait nous arriver est que le sucre se dépose au fond du réservoir et qu'il fasse changer le réservoir, ce qui a un coût d'environ 150 euros. Donc il n'y aura pas besoin de changer tout le moteur, juste le réservoir. Bon, 150 € c'est le tarif espagnol. Écoute, ouais, c'est vrai que ça, à l'origine, ça venait d'un article espagnol. Mais bon, en gros, disons, il n'y a pas autant de dégâts qu'on pourrait le croire, parce qu'il y a des filtres qui... Déjà, le sucre ne se dissout pas autant qu'on veut bien le croire dans l'essence, et il y a des filtres qui l'empêchent d'atteindre les pistons, les cylindres et toutes ces parties sensibles du moteur. Et donc voilà, donc en fait, c'est vrai que cet article, je l'ai vu passer sur un site en espagnol, et en fait, ce site faisait référence à un autre site anglophone qui s'appelle Snopes.com, vous le trouverez on mettra le lien sur podcast sur le Ouais, site. il est très bien ce site, snopes.com. C'est un site qui recense toutes les légendes, les superstitions et qui les démonte. C'est excellent, quoi. Donc vous pouvez faire un tour dessus, c'est vraiment excellent. Donc voilà pour cette petite superstition moderne. Et voilà, si j'en trouve d'autres, j'hésiterai pas à Ah bah, vous les continue, signaler. c'est génial. Ouais, c'est le petit fil rouge, quoi, depuis le Depuis podcast numéro 13. 13, on a toujours une Ouais. petite superstition à balancer comme ça. Ouais, c'est très cool. Moi, je suis limite déçu quand même. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'on mettait des clés et toutes sortes de protections, enfin des verrous sur les bouchons des réservoirs, Bon, il y a peut-être d'autres. précisément pour éviter ça. Bon, peut-être avec d'autres substances, ça peut devenir plus problématique, par contre, que le sucre. Ouais, Là. allez, l'aspartame. Ah bah cool. Top. Puis alors sinon, donc Antoine, Ouais. je l'annonçais prématurément, pardon, tu nous as préparé un dossier sur... Le bâillement. Et Ok. donc, ouais, donc avant de commencer, déjà, je m'excuse d'avance, hein, pour les bâillements que vous allez sans doute entendre de notre part, mais moi, ça me fait ça depuis j'ai choisi le sujet, quoi. Désolé, je peux vraiment pas m'empêcher de bâiller, quoi. Ouais, puis tu nous Alors, transmets ça en plus, à exactement, c'est distance. contagieux. Je viens de bâiller aussi. Voilà, quoi. Mais avant d'élucider précisément le mystère de la contagion du bâillement, alors on va d'abord s'intéresser à ses fonctions. Mais paradoxalement, le bâillement n'a pas vraiment été étudié depuis Hippocrate. Alors ça remonte quand même à l'Antiquité. Le père de la médecine, il a inclué le bâillement dans sa grande théorie des humeurs. Alors il pensait que ça fonctionnait comme une cheminée pour évacuer la chaleur de la fièvre. Vous voyez le truc. Pas mal. Alors, après, pendant plus de 2000 ans, ben, le paradigme est resté le même. Hein. Jusque dans les années 80, il n'y avait plus rien. Le bâillement, ça ne devait pas être considéré comme digne d'être étudié, en fait. Et là, les scientifiques, ils avaient vraiment tort. Vraiment tort de l'ignorer, parce que c'est vraiment un phénomène que je trouve fascinant et qui est encore, hélas, méconnu. Alors, à quoi sert-il de bâiller? À rien. Ouais, à quoi sert-il de bâiller? À rien. Désolé. Bah, il y a plein de légendes aussi, là, j'imagine. Ouais, mais À c'est un encore assez moment, on disait obscur en toujours que plus, c'était hein. pour s'oxygéner le cerveau. Bah, je vais y venir, tu vas voir. Ah. C'est encore assez obscur, mais cela permettrait déjà de marquer nos transitions comportementales, en fait. Quand on passe du coucher au lever, par exemple, quand on a faim ou au contraire après un bon repas, et même chez la femme, lors du désir amoureux, en fait. En fait, le bâillement serait. Il faut faire attention Ouais. à pas Voilà. interpréter les signes de travers. Ouais. Mais en fait, le bâillement, ça agirait comme un mécanisme de vigilance, une sorte d'alarme qui nous rappelle les phases clés de notre cycle biologique. Vous voyez? Alors, dans le cerveau, ce qui contrôle cette horloge biologique, c'est bien sûr notre hypothalamus. C'est un organe dont on a déjà vraiment beaucoup parlé dans le podcast Science. Alors, par conséquent, tous les vertébrés terrestres bâillent, sauf la girafe. Ah Mais oui. vous allez voir, la girafe, cette anomalie s'explique vraiment très bien par l'absence de rythme biologique chez cet animal. Parce que, en fait, une girafe, ça dort à peine et de manière très sporadique. Et donc, rien de plus normal à ce qu'elle ne bâille pas. Mais, désolé. Donc en fait, la girafe n'aurait pas des transitions Voilà, pas de transition comportementale, comportementales comme on l'aurait, ouais. donc c'est assez sporadique, donc pas de bâillement. Mais alors malgré de nombreuses recherches, on n'est pas encore arrivé à tout comprendre sur ce bâillement. C'est ça que je trouve assez fascinant. On peut juste écarter l'hypothèse qui permettrait l'oxygénation du cerveau. Bah voilà, Voilà. je la En voyais fait, venir. c'est un mythe que de nombreuses études ont réfuté. On a fait des mesures sur la concentration en oxygène avant et après un bâillement, et en fait, ça ne change absolument rien. Donc, bâiller reste quand même encore un acte très mystérieux. Mais j'ai pour vous un petit lot de consolation. On sait désormais pourquoi c'est si contagieux. Ah. Alors déjà, cette échopraxie, ou synonyme d'échokinésie, ou en termes plus simple, tendance spontanée à répéter ou imiter les mouvements d'une autre personne. Alors, Comment tu cette as dit ça? Échopraxie. échopraxie ou échokinésie. D'accord. Alors, cette échokinésie n'apparaît qu'à l'âge de 4-5 ans chez l'humain et chez seulement certains grands singes. Et vous allez voir pourquoi. C'est d'après alors Olivier Walusinski. Walusinski, c'est un médecin français qui est spécialiste du bâillement. Cette imitation serait liée à notre capacité à l'empathie, en fait, c'est-à-dire notre capacité à se mettre à la place des autres. Et là, tout se passe encore dans notre cerveau. Les responsables de cette empathie, ce sont les neurones miroirs. Alors, ces neurones un peu particuliers tirent leur nom de leur capacité à s'activer aussi bien pendant qu'on exécute une action que pendant qu'on observe quelqu'un en train de l'exécuter, en fait. Pour eux, pour ces neurones, c'est la même chose. Alors, ainsi, si vous n'avez pas bâillé à l'écoute de ce dossier, alors c'est que vous avez peut-être une personnalité schizoïde. C'est encline à l'isolement social. Alors au contraire, si comme le professeur Fon et Mathieu, vous n'avez pas pu vous empêcher de bâiller à gorge déployée, alors là, c'est que vous êtes quelqu'un de très très très sensible. Alors pour Ou de juste très très très fatigué. ouais, ou très fatigué, ou vos transitions, c'est un gros système d'alarme, Ouais, quoi. en permanente transition. Alors, pour clore ce dossier, je vous invite vraiment alors, à aller sur le site d'Olivier Walunski, qui s'appelle tout simplement www.baillement.com, sans S. Alors, vous verrez, c'est vraiment super complet, quoi. Et dernière petite chose, des petits chiffres. On baille en moyenne dans toute sa vie 250 000 fois. Donc, je crois que à la lecture de ce dossier, ça va rehausser la moyenne de beaucoup de personnes, hein. Exactement. Il Et faudrait voilà. faire le calcul pour savoir par jour combien ça fait. Ça doit faire 25, je pense, hein. Mais attends, on doit dire 10 000 jours, non 100 plus. ans, ouais, si on compte 100 ans. 100 ans, ouais. Un peu moins de 25, vingtaine. Ouais. Ah, c'est pas mal, Ouais. 20 bâillements par jour. Ouais, mais à mon avis, tu t'en rends pas très compte, je pense. Donc, là. Et l'histoire de ce Olivier Walusinski, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, médecin d'abord dermatologue au début, puis médecin à la campagne. En fait, il s'est retrouvé un jour avec un mec qui avait un trouble du bâillement, en fait. Et le trouble du bâillement, c'est que quand il bâillait, ça s'enchaînait. Il bâillait par salve qu'il n'arrivait pas à réprimer, en fait. Vous imaginez le truc? Et donc, ça l'a intrigué, ce médecin, et il a essayé de se documenter, et en fait, il a découvert qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, sur ce bâillement. Et donc, il a fait vraiment beaucoup de recherches, beaucoup d'études, et maintenant, c'est devenu le spécialiste français du bâillement. Voilà. Je vois, ça doit être un type d'une intelligence brillante, un travailleur acharné, remarquable, qui a été pionnier dans son domaine. Et puis quand il présente sa carte de visite, tout le monde se fout de sa gueule. Bah oui, Spécialiste du bâillement. C'est c'est drôle, vrai. ça fait pas très sérieux, Bah oui, c'est ça. C'est comme ça. Il y a des domaines de la science comme ça qui prêtent à rire, quoi. qui sont quand même super passionnants, quoi. Voilà. Ah ouais, j'aime bien l'explication de la transition comportementale. Ça tient la route, j'ai l'impression. Ouais, c'est encore une théorie, hein, mais Ouais. c'est la plus plausible. C'est vraiment ça. Parce qu'on bâille au lever ou au coucher, mais on bâille aussi Quand on a envie d'aller au lit. Oui, non, quand on veut réfléchir, tout ça. Vous voyez, c'est des phases de notre cycle biologique qui font ça. Et voilà. Bah, chouette, excellent dossier. Et puis donc, ouais, la question que je me posais quand tu as annoncé le sujet, c'était si les grands singes bâillaient aussi, mais tu as dit que c'était le cas. Enfin, non seulement ils bâillent, mais en plus, Oui, ils bâillent en aussi plus, c'est un. de manière socialement contagieuse, quoi. Voilà, c'est certains grands singes, ceux qui arrivent à passer le test du miroir. Il faut D'accord. être doué d'empathie, quoi. Donc, les bonobos, je crois, c'est Ouais, ça? les bonobos, on avait Ouais. vu que. Et il y a eu Ouais, les quelques bonobos, les chimpanzés, je gorilles, crois. les orang-outans. Voilà. Euh, Donc. et puis il y a d'autres singes qui ne sont pas des grands singes dont on a découvert. Tu avais fait un dossier là-dessus, Mathieu, mais je ne me rappelle plus lesquels c'est maintenant, qui sous certaines Ouais. conditions répondaient favorablement au test du C'est pas les miroir. macaques? Les macaques? C'était les macaques, Ouais, je les crois, macaques hein. rhesus, Ouais, c'est ouais, ça. c'est Macaques ça. rhesus, Ouais. voilà, ouais. Faudrait voir s'il bâille. Enfin, s'il bâillait, c'est commun à tous les vertébrés, mais s'ils arrivent à avoir la contagion, quoi. C'est ça. Bah, excellent, super, merci. Chouette Ouais, dossier. d'accord. Et puis Mathieu, alors toi, tu as préparé quelque chose qui, pour une fois, n'a rien à voir avec les étoiles, le cosmos, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ouais, je suis retombé Un sur Terre là. très concret, là, ouais. Sur un Il pro atterrit un peu. sur une problématique un peu plus concrète, on va parler des sourds. Et plus précisément, on va essayer de poser la question dans quelle langue pensent les sourds? Ah ouais, c'est génial comme question. Les sourds, parce qu'évidemment, les sourds pensent-ils en français s'ils utilisent le langage des signes et s'ils lisent le français? Et mais comment pourraient-ils le faire s'ils n'ont jamais entendu prononcer les mots qu'ils transforment en signes et qu'ils lisent? Alors peut-être qu'ils visualisent simplement des mots au lieu de les entendre. Et d'une manière plus générale, on peut se poser la question si on peut penser, si c'est possible de penser sans langage. Alors, bon, pour commencer, il y a un cas très simple. Une personne qui est devenue sourde à un âge tardif, elle pensera dans la langue apprise durant son enfance. Ça, c'est logique. Après, une personne qui est née totalement sourde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est préférable que sa surdité soit détectée durant les premiers 21 et 36 mois. C'est une période critique durant laquelle les bébés acquièrent facilement les fondamentaux du langage, créant ainsi dans leur cerveau l'infrastructure cognitive essentielle à la communication. Et un diagnostic trop tardif de la surdité, donc par exemple à la scolarisation, peut entraîner des difficultés d'apprentissage sévères, même si l'intelligence de l'enfant est tout à fait normale. Donc si la surdité est détectée assez tôt, l'enfant sourd pourra acquérir un langage gestuel au lieu d'un langage oral. Alors, on sait que les sourds parlent avec ce qu'on appelle le langage des signes, qu'on abrève généralement LS pour langage des signes, avec l'abréviation LS. Et en fait, le langage des signes, c'est ce qu'on appelle une langue naturelle. C'est-à-dire, c'est une langue qui s'est transformée et qui a évolué petit à petit au fil du temps et a été transmise culturellement de génération en génération. On oppose généralement les langues naturelles à ce qu'on appelle les langues construites. Les langues construites, c'est celles qui ont été formées intentionnellement par l'homme dans le but de remplir un besoin précis. Comme par exemple, on a l'espéranto, qui est une tentative de langue universelle. Des langages de programmation en informatique, des langages mathématiques, ça c'est tout des langues construites. La langue des signes, ou les différentes langues des signes, on verra qu'il y en a plusieurs, ne sont pas des adaptations non plus des langues orales. Ce sont des langues vraiment naturelles qui ont évolué en suivant leur propre chemin. La langue des signes est d'ailleurs d'une certaine manière plus proche du chinois, parce que c'est un signe qui sert à représenter un mot, une phrase, que du français. Donc la langue des signes, en tout cas la française, ne découle pas du tout de la langue française. Elle a évolué de son côté. Donc il existe plusieurs langues des signes. Il en existerait 121. Donc on a des langues des signes en fonction du pays, même en fonction de régions de certains pays. Donc on a des dialectes de langues des signes. Et par exemple, la langue des signes américaine diffère beaucoup plus de la langue des signes anglaise que de leur équivalent oral. D'accord? Elles sont très différentes, C'est marrant, hein? la langue des signes américaine et anglaise. Et on voit que lors d'événements internationaux qui réunissent des personnes sourdes de différents pays, on a besoin de traducteurs de langue des signes aussi. Mais bon, de la même manière qu'on a créé une langue orale internationale et universelle comme l'espéranto, il existe un équivalent international pour la langue des signes qui Bien sûr. s'appelle le gestuno. Gestuno. Ouais, qu'on appelle aussi la langue des signes internationale, Ouais, ISF, ouais. ou LSI en français. Ouais. Et dans les deux cas, bon, le succès a été relatif, on va dire, parce que l'anglais s'est imposé comme langue internationale orale, et dans le cas des sourds, on utilise principalement la langue des signes américaine comme langue internationale. En France, on utilise ce qu'on appelle la langue des signes française, la LSF. Et par exemple, en Suisse romande, on utilise donc la LSF avec quelques petites variations locales. Donc ce serait une sorte de dialecte de la langue des signes française en Suisse romande. Et la langue des signes donc, se compose de gestuels qui représentent un mot entier ou une phrase. Mais on a aussi ce qu'on appelle un alphabet dactylologique. C'est le correspondant signé de l'alphabet latin. Donc cet alphabet dactylologique est utilisé pour épeler les noms propres ou les mots n'existant pas encore dans la LSF. D'accord. Et la dactylologie de la LSF se fait d'une seule main. Donc dans le cas de la langue des signes française, on le fait avec une seule main, alors que dans la langue des signes anglaise, elle se pratique avec les deux mains. Donc on a aussi des différences là au niveau de ces alphabets. On peut aussi dire d'une certaine manière que la grammaire de la langue des signes française est en 3D, en trois dimensions. C'est-à-dire qu'il est possible d'exprimer plusieurs idées simultanément. Ce qui la différencie de la grammaire française qui est beaucoup plus linéaire. On voit aussi que les expressions du visage sont aussi utilisées pour indiquer le sens de la phrase. Et il n'existe pas de conjugaison dans la LSF. Il suffit au signeur, donc à la personne qui parle avec des signes, de situer l'action sur la ligne du temps perpendiculaire à lui. Donc derrière son épaule, c'est le passé, au niveau de son corps, c'est le présent, et devant lui, c'est le futur. D'accord. Et donc la langue des signes offre à leurs utilisateurs l'habilité de manipuler des symboles, de capter des abstractions, d'acquérir et d'exécuter de manière active la connaissance. En d'autres termes, la langue des signes aide à ce que l'enfant en bas âge puisse apprendre à penser en langue des signes. Donc exactement la même chose qui nous est arrivée enfant, à nous, lors de notre apprentissage à communiquer oralement dans notre langue maternelle. Donc il peut aussi s'avérer utile à un sourd d'apprendre la langue orale et écrite afin de pouvoir évidemment lire sur les lèvres de son interlocuteur, lire différents panneaux, indications, lire des livres, suivre des films sous-titrés et plein d'autres choses. Et il y a un débat en fait qui existe sur si l'on doit offrir aux bébés sourds une éducation strictement orale ou plutôt une éducation en langue des signes ou une éducation bilingue. Une chose qu'on a constatée, c'est qu'un enfant sourd qui apprendrait a posteriori notre langue deviendrait bilingue, mais continuera à penser en langue des signes. D'accord. Et on a aussi vu que de la même manière, lors de son sommeil, il codifiera ses rêves en signes. Il peut aussi arriver qu'un sourd qui dort gesticule occasionnellement avec des signes qui correspondent à sa propre langue des signes. Donc on voit que finalement un sourd pense et rêve en langue des signes. En Ouais, tout c'est complètement impressionnant. cas. Ouais. Donc ben voilà en fait. Voilà pour ce petit dossier. Je regardais si j'avais autre chose à dire, mais non, j'arrivais au bout. C'est un dossier qui me passionne parce que je côtoie une communauté sourde et donc j'ai moi-même quelques notions en LSF. Et donc plus particulièrement un ami qui s'appelle Fabien. Et oui, et la première fois qu'il m'a dit qu'il pensait en langage des signes, ça m'avait fait exploser le cerveau, quoi. De me dire que c'était vraiment un Ouais. tout autre paradigme, c'est fou, Ouais, c'est quoi. ça, c'est juste un truc impossible à imaginer pour nous autres. Et ce qui est visiblement important, c'est vraiment de détecter ça assez tôt. Parce que c'est Ouais. justement entre 20 et 36 mois que le cerveau se... Ben, justement, oui, avant. Ouais, avant, c'est comme c'était pas détecté, on pensait les sourds muets, on les pensait débiles Ouais. et déficients mentalement, alors que absolument pas, c'est qu'ils n'avaient pas de support, Ouais. ils n'avaient pas de support pour appuyer leur pensée en fait. Et d'ailleurs, c'est français la création de la langue des signes. C'est l'abbé Michel Delépée, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la L'abbé langue des Michel. signes ou la langue des signes française qui est française? Alors, je crois que c'est la LSF, ou bien. Ouais, la LSF, ouais. Parce que. Mais je crois que le départ est en France, hein. Et que je sais pas. Attends, moi je vais vérifier ça tout de Faut suite, jouer à ça. je me méfie toujours des Je suis en cocorico. train d'aller sur la Wikipédia, justement. Ouais, l'abbé Charles-Michel de Lépée C'est fut ça? en 1760 le premier entendant connu à s'intéresser au mode de communication des sourds-muets. D'accord. Non, en fait, non, Il c'est découvre France. l'existence d'une langue. En fait, il a découvert, c'est ça, qu'il y avait Ouais, une il a langue des découvert, voilà, signes c'est déjà ça. existante entre les sourds-muets. En fait, il y avait déjà une langue qui était là, qui permettait de communiquer entre eux. Donc lui, il a Ouais, c'est découvert ça. cette langue, en fait. Mais D'accord. il l'a pas inventée. Et juste aussi autre chose, il faut bien se rendre compte que le français, enfin le français, notre français à nous, c'est une langue étrangère pour les sourds muets, avec des concepts différents, j'avais beaucoup d'amis qui comprenaient pas pourquoi notre ami notre ami Fabien, qui est sourd, n'arrivait pas à bien saisir les énoncés de mathématiques. C'est parce qu'en fait, ils sont dans une autre langue qu'il est obligé de traduire en langage des signes, en fait. En langue des signes. Ouais, Ouais, pas donc, ouais, facile. c'est vraiment pas facile, quoi. Surtout les trucs mathématiques et avec Mais c'est ça, est-ce que tu as toujours un concept un correspondant? concept à la virgule près, tu sais, avec le si ou le alors qui est mal placé, des choses comme ça. Voilà. Et il y a aussi une autre, je crois, une autre, enfin, c'est pas une superstition, mais qui tendrait à croire que la langue des signes est universelle aussi. Je sais pas si, avant de connaître Fabien, je pensais que la langue des signes était universelle. Enfin, c'était Alors, tous. c'est vrai que ça peut Ouais. être une Je pensais que c'était superstition. Moi, j'avais Ouais. aussi un peu cette idée avant de faire ce dossier. Cette idée. Après, c'est quand tu te rends compte que les langues signées sont des langues comme les autres, avec une culture, avec Une qui évolution évolue. propre, Ouais. C'est une langue vivante. Ouais. ouais. C'est une langue vivante. D'ailleurs, Fabien vient d'Alsace. Et en fait, il y a des mots de la langue D'Alsacien. alsacien qui ne sont pas les mêmes qu'un sourd qui est ici. D'ailleurs, à Montpellier, on a la chance d'avoir un lycée et un collège, je crois, ouais. Un collège et un lycée pour sourds-muets, qui s'appelle le CESDA, et qui accueille les sourds-muets et qui leur permettent après de faire des études plus tard en les accompagnant avec des interprètes et tout ça. Et c'est vraiment super sympa, Oui, il y a des dialectes, c'est incroyable. Hein. Moi, quoi. justement, j'avais pas cette idée de langue des signes universelle. Enfin, j'avais plutôt l'idée de langue des signes universelle. Ouais, bah, moi aussi, hein, mais en fait, non. Et ils utilisent beaucoup aussi leur corps. Enfin, c'est comme s'ils jouaient devant nous une pièce de théâtre. Hein. Ouais, c'est en 3D, là, c'est ce que j'ai C'est en dit. 3D, ouais, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Ils mettent le décor et après les acteurs et tout. Et en fait, c'est leur cheminement de pensée qui est très visuel et c'est vraiment super fascinant. Voilà. Bah, vraiment, merci pour ce dossier. Hein. Bah écoute, c'est par Le hasard, je deuxième. savais pas du tout que tu parles un petit peu, t'arrives à faire Enfin, ouais. je signe un peu, Tu ouais, signes un peu? un petit, mais mon vocabulaire est très axé mathématique, genre je sais signer les théorèmes, les notions de piliers, de vecteurs, tout ça, la mécanique. C'est plus un vocabulaire axé là-dessus parce qu'en fait il était assez isolé, Fabien. Il était juste avec son interprète et il était devant, il écoutait, enfin il essayait de. Il regardait l'interprète pendant qu'il transcrivait le cours. Et en fait, il y avait une barrière entre nous. Et donc, on a commencé à essayer d'apprendre pour. Et c'est souvent des termes comme ça qui reviennent, puisqu'on était en mathématiques. Donc, Bon, bah, c'est faudra lui bizarre, quand faire même. suivre ce dossier, comme ça il pourra voir Ouais, si manque quelque ouais. chose ou s'il veut rajouter quelque chose. Ouais, je manquerai pas, ouais. Je l'enverrai. Ça lui fera toujours plaisir. Il est assez. Pour la promotion de la langue des signes, il essaie d'apprendre aux entendants, comme on dit. Ah, juste une dernière chose. Les prénoms dans la langue des signes. Donc, tu nous avais parlé du vocabulaire dactylographié. Ouais, de Enfin, l'alphabet, ouais. l'alphabet, ouais. L'alphabet, donc on peut signer en épelant. Ouais. En épelant les lettres. Et on peut aussi. Les sourds ont aussi un autre nom, qui est un nom qui est plutôt un surnom, qui se sont trouvés. En fait, ils font un signe qui leur appartient à eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Par exemple, Fabien, il est assez costaud et tout. Et en fait, son prénom en langue des signes, c'est quasiment le même signe que pour dire je suis fort, vous savez, quand vous levez le biceps, là, comme ça. Ben, ça, c'est son prénom à lui. Ouais. D'accord. Et donc voilà, c'est ça. Et c'est toute une autre culture à découvrir. C'est vraiment super fascinant. C'est excellent. Et Mathieu, il y a un truc que tu as dit qui m'a épaté. Tu as parlé de surdité qui serait détectée lors de l'entrée en scolarité. Ça, c'est un peu Dans tard. certains cas, ouais, justement, mais comment c'est possible? Ouais, bon, peut-être c'était peut-être plus à l'époque, justement, quand on pensait que les sourds étaient plutôt des. Ah, quand on pensait qu'ils étaient bêtes, en Ils étaient fait. Ouais. bêtes, des déficients. Alors c'est vrai que maintenant, je pense plus que ça doit arriver. Hein. Maintenant, je crois que Mais. les tests se font très très tôt. Hein. Normal. Ouais, enfin ouais, j'imagine que soit il y a des peut-être des raisons de penser que l'enfant sera sourd et puis qu'il est surveillé dès le départ, ou alors. Ouais, dès les débuts de l'apprentissage du langage, tu dois te rendre compte qu'il y a un truc qui cloche quand même. Ouais, maintenant, À oui, mais je attendre pense jusqu'à que l'entrée à c'était l'école. plutôt à l'époque. Mais c'est là Ouais. où en fait, il y a vraiment une tranche entre 20, 21 et 36 mois dans laquelle le cerveau se structure spécialement à la communication. Et Ouais. c'est vraiment important, là, d'avoir déjà détecté la surdité. Je sais pas, c'est à quel âge qu'il commence à parler un enfant, normalement? Ça dépend Ouais. desquels, mais grosso modo autour d'une année. Une année, ouais. Ouais, une à 2 ans, ouais. Un à Ouais, 2 ans, je pense. donc s'il parle pas, c'est qu'on peut déjà se poser des questions après une année, 2 ans. Ouais. Bah, 36 mois, Ouais, ça fait 3 ans. ça fait Ça 3 fait ans, 3 ans, ouais. ouais. 36 mois, ça fait Donc, 3 ans, là, il parle, c'est sûr. Ouais, si... Donc ouais, Ouais, donc ça va normalement encore, c'est bon. on s'en rend Ouais, il y a compte du temps, naturellement, quoi. ouais. Ouais. Et moi, j'ai encore une petite anecdote sur le sujet. Je sais pas, vous connaissez Washo, le chimpanzé Washo? Ah, c'est pas un chimpanzé qui a appris la langue des signes? Exactement, enfin qui a appris des rudiments. Je connaissais un gorille. C'était un Ah ouais? gorille, qui avait appris genre 2000 signes, je crois, la langue des signes. D'accord. Et Bah, Washo, elle en a appris 350. ouais. Ouais. Et c'est pas et c'est ils l'ont vraiment appris comme une langue en fait, c'est ça? Ouais, Je exactement. pensais Elle parce faisait que ouais partie pour d'un projet de recherche. et ils arrivent Bah, à elle est. vas-y, Oui, vas-y. pardon. Non, c'est triste, elle est morte il y a 4 ans. Elle était un peu âgée. Ouais. Mais ouais, elle a appris 350 mots. Bon, je n'ai pas relu les détails de l'article que je suis allé chercher pendant que tu parlais, mais je crois qu'elle était capable d'exprimer quelques émotions basiques. Et puis, bon, c'était aussi une hypothèse, qu'on se demandait si les chimpanzés avaient les capacités cognitives d'apprendre le langage, partant du principe que c'était juste un problème d'équipement phonatoire qui les empêchait de parler, voilà, de parler comme nous Donc ils sont capables d'apprendre avec la gorge. Donc la ils sont langue. manifestement capables d'apprendre, ouais. Ouais, il y avait un exemple enfin, je sais plus si c'est ton singe ou le gorille que j'avais vu, mais ils arrivaient à dire des choses comme ils connaissaient pas le signe pour dire le signe, l'oiseau. Ouais. Et en fait, il faisait une combinaison de oiseau et eau, l'eau. D'accord. Donc c'est vraiment c'est bien la preuve qu'ils manipulent des concepts de langage quoi, Ouais. pour faire ça. Et il y a aussi une mouvance en ce moment de parents qui apprennent à leurs enfants le langage des signes avant le langage parlé. Vous avez pas vu? Ah non. Ouais, maintenant que t'en parles, C'est Mais à des enfants pour non sourds, tu dis, oui. à ce qui paraît, il faut vraiment faut voir les études. J'ai pas regardé, mais c'est pour éviter la frustration de l'enfant pour la non-communication quand il a envie de vous dire un truc et Oui, qu'il n'y arrive pas. ouais. Genre, j'ai soif, des choses comme ça, et donc il y arrive très bien en langage des signes, quoi. Oui, ouais, ça s'apprend beaucoup plus vite que la langue Ouais, orale, en fait. Ouais. beaucoup plus vite. Donc après, je sais pas si c'est un frein après à la vocalise. Mais il y a justement, je crois, Ouais. un peu un débat là autour, comme je disais à la fin Ouais. du dossier. Il y en a certains qui sont pour que les enfants apprennent d'abord la langue orale, d'autres d'abord la langue des signes. Et je crois qu'il y a un peu des querelles à ce niveau-là Ouais, entre les donc il spécialistes. faut un peu creuser quoi. Donc Ouais. creuser pour voir. J'ai trouvé ton gorille sur Wikipédia, il s'appelait Michael. Ah, donc c'était bien gorille, ouais. Ouais, c'était bien un gorille Et... mâle. Qui a vécu de 1973 à 73 à 2000. Je ne sais pas s'il est mort prématurément ou ça vit pas très vieux les gorilles en fait par rapport à nous autres. Alors il avait un vocabulaire de 600 signes. Aujourd'hui avec les chiffres, je suis pas bon, hein. Donc 600 signes, d'accord. Ouais. J'étais à 2000, mais je sais pas pourquoi. Ok, 600, bah, c'est déjà vraiment beaucoup, hein. Ouais, c'est déjà pas Je mal. trouve. Et il aimait écouter Luciano Pavarotti. Impressionnant. Et ça, c'est la petite anecdote, quoi. Le Qui tue. petit détail qui tue. Voilà. Voilà, tout Comment ça pour ça. augmenter le capital sympathie d'un gorille qui fait du langage des signes? Tu dis qu'il écoute de la musique classique et tout. Et lui, il est mort, ce gorille aussi, ou bien? Ouais, il est mort. Ouais. Il est mort il y a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Ok. Voilà. Bon, on va en rester là pour ces dossiers, mais c'était super passionnant. Excellent. Est-ce qu'on a encore des choses à dire? Oui, il y a le moment tant attendu, hein, de la Ouais, il me course. semble aussi, ouais. Ouais, c'est le moment incontournable. Est-ce que tu vas faire aussi bien ou peut-être mieux que la semaine dernière avec ta côte mémorable? Mieux que la semaine dernière, c'est pas possible quand même. C'est pas aujourd'hui, elle est bien celle d'aujourd'hui, moi je l'aime beaucoup, mais j'en ai une de côté, je sais pas quand je vais la placer, mais j'en ai une toute bonne. C'est la petite bombe qui mettra pour un autre. Alors celle d'aujourd'hui, bon malheureusement j'ai pas l'origine, mais bon c'est pas grave. Alors je la dis en anglais, je vous laisse la traduire. Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn't. Enfin, je me lance. Les Vas-y, vas-y. conseils, c'est ce qu'on demande quand on connaît déjà la réponse, mais qu'on. Qu'on aurait aimé qu'elle soit autre. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Ouais, comment on peut Donc, traduire ça de manière plus élégante? Attends, on connaît déjà la réponse, mais on préférerait ne pas la connaître. Voilà. voilà, exactement. Donc, c'est anonyme. Écoute, je l'avais lu une fois quelque part, je l'avais mise de côté, mais j'ai pas mis l'origine et la source, donc je ne sais pas. Ok. Bon, on fera un petit look-up, et puis si jamais, c'est pas grave, si pour une fois on cite pas nos sources, hein, pour une côte. Mais je suis assez d'accord que enfin, de toute façon, je suis toujours quelqu'un qui demande beaucoup de conseils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que je connais la moitié de ce que je veux demander déjà. Et Bah, des fois, c'est on souvent. n'accepte pas les réponses qu'on a, puis on aimerait qu'elles soient d'autres. Alors, on essaie de se convaincre en demandant à quelqu'un d'autre que la réponse soit différente, mais ça marche pas toujours. Ouais, mais bon, c'est parfois le cas quand même. Je trouve qu'en demandant conseil, on a accès à une autre perspective. Et puis, du coup, ouais, ça peut changer la donne. Moi, je trouve bien. Voilà, tout bon. Excellent! Bon, ben on en reste là pour cette semaine alors. Parfait, ouais, on en reste là. Ok, bah beaucoup de plaisir. Alors si jamais n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur c'estpasfaux.tv quand même, la dernière mouture, la nouvelle formule du podcast vidéo d'Antoine. Et puis sinon sur Podcast Science, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors bonne semaine, à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.